s'exprime sur Fadjet, présenté par l'association Coexister Nancy. Bonjour et bienvenue dans Coexprime, une émission d'échange entre jeunes de différentes convictions, organisée par l'association Coexister. Moi c'est Éléonore et je suis accompagnée aujourd'hui d'Audrey et Ahmed. Bonjour à tous les deux. Salut. Salut. Et aujourd'hui, on va discuter de la religion dans la famille. Pour commencer, je voulais vous demander à tous les deux, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire le mot famille ? Bah, pour moi, la famille, c'est un noyau sur lequel on peut compter dans toutes les périodes de notre vie. Pour moi, c'est un noyau qui est très large. Alors, c'est un petit peu particulier parce que moi, en tant que personne adoptée, je dirais que la famille, c'est avant tout les liens du cœur et pas, enfin, les liens du sang. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de secondaire. Mais c'est aussi un petit peu les gens qu'on se choisit et à qui on fait confiance. Trop bien. Ouais, c'est vrai que c'est très beau. Et je pense aussi que c'est pas forcément limité au lien du sang, le mot famille, pour moi en tout cas aussi. Et toi, Ahmed, du coup, qu'est-ce que t'en penses ? La famille, pour moi, est la sécurité. Je sens que, de temps en temps, que j'ai besoin de ma famille au moment d'échec. Et en fait, le rôle de la famille, pour moi, est de principalement nous soutenir et de nous encourager quand on fait des choses positives. Ouais, bah, c'est super beau ce que vous dites. On sent vraiment ce soutien, ce cocon, ceux qui nous entourent, en fait, et qui comptent beaucoup pour nous et qui sont toujours là pour nous. Donc, trop bien. Bah, merci beaucoup pour faire cette définition. Et du coup, vous, personnellement, votre famille, on sent qu'elle est importante. Enfin, quel rôle elle joue au quotidien pour vous ? Est-ce que c'est une place importante dans votre vie ou pas ? Bah, moi, je dirais que oui, ça a une place clairement importante, en particulier mes parents. En plus, comme je suis fille unique, j'ai eu, je pense, une relation qui est assez spéciale avec eux, forcément, parce que j'ai pas de frère ni de sœur. Et je pense que c'est avant tout les personnes qui m'ont transmis des valeurs, au-delà voilà, de l'éducation, de tout ce qu'ils ont pu m'apporter. Je pense que les valeurs que j'ai aujourd'hui, je les tiens d'eux. Mm. Et ça, je pense que c'est le plus beau, c'est le plus bel accomplissement, en fait, qu'ils aient pu me transmettre. Totalement. C'est ce qui t'a construit, toi, en tant que personne, celle que tu es aujourd'hui, quoi. Carrément. Trop bien. Et toi, Ahmed, du coup ? Pour moi, la famille, le rôle de la famille est de me soutenir. En fait, la famille est le premier élément constitutif de l'industrie et de la formation de la personnalité de l'individu. Ouais, c'est ce qui te construit aussi, c'est aussi ce qui ressort. Alors, du coup, on va plus se concentrer sur l'aspect religion dans la famille. Qu'est-ce que c'est la place, finalement, des convictions religieuses dans la famille ? Et du coup, pour vous, personnellement, encore une fois, bah, est-ce qu'il y a une conviction qui se détache dans votre famille ? Est-ce qu'il y a plusieurs convictions qui cohabitent ? Et voilà, comment ça se passe un peu dans votre famille ? Alors, moi, dans ma famille, j'ai plusieurs convictions qui cohabitent. J'ai des personnes qui sont athées, des personnes qui sont catholiques. J'ai aussi des personnes de confession musulmane. Ok, trop intéressant. Ça fait un chouette mélange. Enfin, moi, je trouve ça plutôt intéressant, sachant qu'on s'entend tous plutôt bien, hein, globalement. Donc, non, la religion, c'est pas quelque chose qui pose problème, c'est plutôt quelque chose qui cohabite dans ma famille. Trop bien. Et du coup, c'est ta famille proche ou tu comptes aussi cousins, cousines plus éloignés qui ont des convictions différentes ? Non, là, je compte tout le monde. Okay. Vraiment, pas que la famille proche. Trop bien, ça marche. Et du coup, toi, Ahmed ? Moi, il n'y a que des musulmans dans ma famille. Si il y a des gens qui sont pratiquants, il y a des autres qui ne sont pas pratiquants, et c'est tout. Ok. Et ça va, ça se passe bien, ça, vous arrivez quand même à cohabiter, même si vous avez des différentes de pratiques. Enfin, est-ce que ça pose problème ou est-ce que ça se passe très bien et tout le monde respecte et... Ça pose des problèmes de temps en temps parce que pour quelqu'un qui est pratiquant, il pense qu'il doit obliger tout le monde à devenir comme lui. Ok, et du coup, oui, j'imagine que ça peut provoquer des petites tensions. Est-ce que vous, personnellement, vous avez reçu une éducation religieuse ou une conviction particulière athée aussi éventuellement dans votre enfance ou pas ? Alors, pour ma part, j'ai reçu une éducation de personnes athées, en fait, puisque mes deux parents sont athées, bien que mon père ait grandi, il a vraiment été élevé dans la foi catholique. Mais mes parents sont, par le temps, en fait, sont devenus athées. Donc, moi, j'ai reçu une éducation, comme eux, en fait, de personnes athées. Le fait est que j'ai choisi de me convertir à une religion par la suite, mais c'est pas quelque chose qui s'est inscrit dans mon éducation. C'est un choix qui a été personnel. Ok. Et du coup, quand tu dis une éducation athée, est-ce que tes parents t'ont dit Dieu n'existe pas, ou est-ce que ça a été plutôt des non-dits, enfin juste on parle pas de religion et c'est tout? Non, en fait... on en parlait, enfin, c'est pas du tout un tabou, des non-dits. Je sais que même quand j'étais petite, ça m'est arrivé d'aller à la messe et tout, mais pour mes parents, ça n'a jamais été un problème. Je sais très bien que je peux me convertir à une religion, que pour mes parents, ce ne sera pas un problème. Et c'est juste qu'eux ne sont pas croyants, mais ils m'ont jamais dit « il ne faut surtout pas que tu crois parce que Dieu n'existe pas, et il ne faut surtout pas que tu aies une religion parce que ce n'est pas bien ». C'est juste qu'eux ne sont pas croyants, mais après, ça ne les dérange pas du tout que je m'intéresse à la religion, voilà. Ok, trop cool. Et du coup, toi, Ahmed, est-ce que t'as reçu une éducation religieuse ? En fait, un enfant dans une famille, ça va suivre normalement la conviction de sa famille. Par rapport à moi, j'ai reçu une éducation de ma religion depuis un jeune âge. Et il y avait un professeur qui m'a appris le Coran à la maison. Et à l'école, il y avait des cours de la religion depuis première primaire. Ok. Et du coup, est-ce que c'est une éducation que tu as apprécié avoir ? Est-ce que ça te convenait, ou est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu te dis « j'aurais bien aimé que ça se passe autrement » ? Je pense non. C'était bien pour moi de connaître ma religion depuis ce âge. Et il y avait quelques membres de ma famille qui voudraient de moi de devenir que musulman. Ça veut dire que la religion contrôlera mes comportements et je suis obligé à obéir à ses ordres et ses opinions. Ok. Et toi, Audrey, du coup, est-ce que ça t'allait la manière dont tes parents ont amené, enfin, ou n'ont pas amené le sujet de la religion? Ou est-ce que t'aurais bien aimé avoir peut-être des cours de religion, ou j'en sais rien? Bah, en fait, moi, je suis assez contente pour le coup de l'éducation que j'ai eue, parce que c'est une éducation qui m'a permis d'explorer différents pans de différentes religions. Par exemple, je me souviens très bien d'un jour où mon père, donc, qui n'est pas croyant, m'a offert une Bible, même s'il n'est pas croyant, parce que voilà, la Bible, c'est un texte qui culturellement est intéressant, même si on n'est pas croyant. Enfin, moi, je le considère comme ça. Et puis cette éducation-là, elle m'a permis aussi de... Alors, je ne sais pas si on choisit sa religion, mais en tout cas, de pouvoir faire le choix, en fait, d'une conviction qui me correspondait au mieux, et de pouvoir m'épanouir dans cette conviction-là, en fait. Ouais, justement, si tu veux bien qu'on en parle, aujourd'hui, du coup, c'est quoi ta conviction? Comment c'est arrivé, et comment c'est perçu dans ta famille, le fait que tu te sois convertie? Moi, je suis bouddhiste et pratiquante, donc avec toutes les obligations que ça implique, puisque je pratique. Dans ma famille, j'en parle pas. J'en parle pas à mes parents, j'en parle pas non plus à mes tantes, à mes oncles. Mes parents voient juste qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui ont changé par rapport à avant. Effectivement, je ne bois pas d'alcool, je ne consomme pas de viande, mais si j'en parle pas, il y a rien de spécial qui laisse supposer que je me sois convertie à cette religion-là. Après, je sais que je pourrais leur en parler. Je sais que je pourrais avoir un très long discours avec eux sur ce sujet. Mais en fait, je pense vraiment que c'est pas par tabou, mais c'est plus par pudeur, en fait, que j'en discute pas. Tu gardes ça un peu en cocon personnel. C'est ça. Je suis pas spécialement non plus quelqu'un qui va, entre grosses guillemets, étaler sa religion. Oui. Voilà. Mais après, si quelqu'un m'en parle, ça me gêne pas d'en parler. C'est pas quelque chose de tabou. Ok, ça marche. Et le fait que, du coup, tu disais tu manges pas de viande, tu bois pas d'alcool, est-ce que tu as eu des remarques face à ça? On pense tous au repas de Noël et des choses comme ça. Est-ce que ça se passe bien ou est-ce que ça peut être compliqué des fois? Bah, en fait, comme je disais, moi, ma famille, il y a des gens aussi de différentes convictions, notamment des gens de conviction musulmane, donc des gens qui ne mangent pas de porc, qui ne boivent pas forcément d'alcool. Donc, on a un petit peu l'habitude d'avoir... voilà, j'ai des tantes, notamment, qui sont très axées sur les régimes végétariens, sans pour autant être végétariennes, sur tout ce qui est lié à la nature, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose où je vais avoir des très grosses réflexions. Et puis si j'ai des réflexions, bah tant pis en fait, hein, c'est pas ça va pas me pourrir l'existence. Ouais, ok, je vois, trop bien. Et du coup, donc toi Ahmed, tu as suivi un peu la religion de ta famille, est-ce que tu pratiques de la même manière qu'eux, est-ce que tu la vis de la même manière qu'eux avec eux, ou est-ce que tu as des petites différences, et comment ça se passe en fait dans ta famille? Par rapport à moi, je suis un petit, je suis différent et d'eux parce que je ne suis pas pratiquant. Mais malgré ça, je ne mange pas de porc et je ne bois pas. Mais je ne suis pas un pratiquant comme les membres de ma famille. Okay. J'ai juste un réflexe qui est différent. Ça marche. Et du coup, tes parents, ta famille, ils perçoivent comment ce fait que tu sois moins pratiquant qu'eux? Est-ce qu'ils t'en ont parlé? Est-ce que ça pose problème ou est-ce que ça se passe très bien? Par rapport à ma famille, la religion et devenir pratiquant est très important pour eux. Ils n'acceptent pas un membre de la famille qui n'est pas pratiquant. Ah oui, ok. Ça marche. Donc du coup, c'est plutôt souci, enfin, ça pose plutôt problème et c'est un peu source de conflit au sein de ta famille. Oui. Ah mince. Okay. Mais pas un vrai conflit. Juste, ils juste parlent avec moi. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Eh ben, merci beaucoup déjà pour vos partages. Donc on est toujours sur Coexprime, donc une émission d'échange entre jeunes de différentes convictions pour vous parler de la religion dans la famille. Et on va faire juste une petite pause musicale avec Encore Malade, le sens de la famille, pour rester dans le thème, et on revient tout de suite après. J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard, si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille. J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui ne me fasse plus de peine qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris que mes 20 ans seraient cruels, que mon avenir s'annonce terne. Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit. Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour. C'est grâce à eux, si je suis en paix, que je pars pas en vrille. Leur humanité sans trompette, leur bienveillance sans détour. Ce que je leur dois, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille. Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours. On te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je trouve pas de mots assez forts, c'est tellement, tellement. Et évidemment, quand t'es daron, toutes les cartes sont redistribuées. Ils sont dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang chaque seconde. Je n'ai plus qu'eux comme certitude, il va falloir m'habituer. J'ai découvert les liens visibles et les plus solides du monde. Les enfants, c'est des galères qu'on pouvait même pas concevoir. Ils nous rendent complètement ouf, mais en un sourire, on vacille. T'as qu'une envie, c'est qu'ils s'endorment, et dès qu'ils dorment, tu veux les voir. Eh ouais, on est devenus ceux qu'on chambrait. Je crois qu'on a le sens de la famille. Et le sens de la famille, c'est aussi le sens de l'amitié. Je peux te présenter des frères et sœurs qui n'ont pas le même sang. Frères d'espoir, sœurs de cœur, frères de galère ou de quartier. Faire des projets d'adultes dans des cerveaux d'adolescents. La famille, c'est aussi ceux qui sont devenus essentiels. Ceux qui te connaissent, te révèlent, te soutiennent et te protègent. Ceux qui te parlent la bouche fermée, parce que le cœur s'en mêle. Si tu veux signer avec moi, faut signer avec tout le cortège. Compose-toi bien, ma chérie. À bientôt, je t'embrasse. Ça va, s'il te plaît. Midi, midi 30, Coexprime sur Fadjet, animé par l'association Coexister Nancy. Et on est de retour sur l'émission Coexprime, organisée par l'association Coexister, pour vous parler de la religion dans la famille. Donc, dans la première partie, on a plus fait un peu vos témoignages personnels, et là, je vous propose plutôt de vous interroger sur des questions un peu plus générales. Et du coup, j'en ai préparé quelques-unes pour vous. Déjà, pour vous, est-ce que vous pensez que les convictions religieuses, philosophiques, ça peut jouer un rôle pour la cohésion d'une famille, dans un sens positif comme négatif éventuellement ? Moi, je pars du principe que, en fait, tu peux avoir une famille avec plusieurs convictions différentes, et comme c'est le cas pour ma famille. Et ça peut fonctionner, en fait, si tout le monde apprend à connaître l'autre et est capable de, voilà, d'interagir dans le respect, en fait, enfin, tout simplement en étant des êtres humains, en fait, juste avec le respect de l'autre. Ça peut très bien fonctionner. Alors, je veux dire, dans ma famille, ça fonctionne bien, donc finalement, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas pour les autres. Et du coup, donc, dans ta famille, c'est pas source de conflit, mais du coup, est-ce que ça, y a une plus-value du fait que vous avez différentes convictions ? Est-ce que c'est, par exemple, un sujet d'intérêt de découverte de l'autre ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui reste neutre ? En fait, c'est là et ça pose pas de problème et c'est juste là, quoi. Bah, en fait, je pense que c'est pas spécialement un sujet neutre et c'est pas spécialement un sujet d'intérêt non plus. Enfin, je sais que je peux en parler. Par exemple, si je veux parler de quelqu'un qui est catholique dans ma famille, je peux lui parler de sa foi. Ouais. Mais voilà. Enfin, les gens de ma famille, ils sont comme ils sont et leur conviction, leur religion, ça fait partie d'eux. Et on prend chaque personne dans son entièreté, en fait. Ouais, voilà. Mais c'est pas le sujet des repas de famille. Ouais. Voilà. Oui, et puis je pense que vous avez l'habitude aussi maintenant, donc il n'y a pas vraiment de découverte de « Oh, tu fais ça alors que ça fait 5 ans que tu le connais enfin, ». Bah, c'est ça, en fait. Il n'y a pas de surprise, en fait. Okay. Tout le monde sait à peu près. Voilà. Et par rapport à ta conviction personnelle, donc toi, c'est le bouddhisme, est-ce qu'il y a... Des choses par rapport à la famille dans ta religion qui t'aident, qui te font voir la famille d'un œil particulier ou pas du tout ? Bah, en fait, dans le bouddhisme, la famille, c'est quand même quelque chose d'assez important parce que tu dois avoir de la compassion pour ta famille comme tu dois avoir de la compassion pour tous les êtres, mais peut-être encore plus pour ta famille parce que c'est des gens qui quand même qui t'aident, qui sont proches de toi c'est un pilier, en fait. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un pilier de ta foi, mais c'est des gens surtout les parents, en fait, pour lesquels tu dois avoir un certain respect. Je dis pas que c'est toujours facile. Je dis pas que j'ai toujours été ultra respectueuse envers mes parents. Ça serait mentir. Donc, pour être tout à fait honnête, c'est pas forcément quelque chose de simple à réaliser. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose qui fait partie de la foi bouddhiste. Oui, ok. Et du coup, dans ce sens-là, a priori, c'est vrai que ta conviction pourrait aussi aider à maintenir un peu une cohésion, un respect dans la famille, en tout cas d'un point de vue personnel pour toi, quoi. Bah, c'est clair que moi, si les gens dans ma famille se prenaient la tête à cause de leur religion ou à cause de leur foi, bah, du coup, je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que par rapport à mes convictions personnelles, par rapport à ma religion, ça, en fait, ça me blesserait dans ma propre foi. En fait, si la foi, c'était un sujet de conflit, et je pense que je comprendrais pas trop. Ok, je vois. Et du coup, pour toi, Ahmed, est-ce que tu penses que les convictions religieuses ou philosophiques peuvent être source de cohésion ou non d'une famille? Par rapport à une famille en France, je pense qu'il y a une liberté d'expression, parce qu'une seule famille peut avoir des membres de plusieurs convictions. Mais si je compare avec la mienne, il n'accepte pas des gens des autres convictions ou d'autres religions. Ok, je rappelle juste que tu viens d'Égypte pour nos auditeurs. Ok, et du coup c'est plus difficile et ça peut être vraiment sujet de tension. Ça peut être une sujet de tension quand un membre de ma famille, par exemple, choisit un partenaire qui n'est pas musulman, par exemple. Ok, ouais. Donc ça doit être très, très difficile si jamais t'as une attirance pour quelqu'un qui n'est pas musulman. Et donc, il y a ce côté-là qui peut être provocateur de conflits. Mais par contre, du coup, est-ce qu'il y a quand même un peu une cohésion qui se dégage du fait que vous soyez tous musulmans et que vous partagez peut-être les grandes fêtes, les mêmes valeurs fondamentales? Est-ce que ça rajoute un peu une cohésion à la famille ou pas du tout? Je veux ajouter qu'il y a quelques membres, mais qui sont loin de moi, qui ont marié, par exemple, une chrétienne ou quelque chose comme ça. Et du coup, est-ce que la religion peut quand même être source de cohésion quand vous partagez des fêtes, quand vous partagez les mêmes valeurs, etc.? Oui. Ok. Donc, par exemple, est-ce que les fêtes, enfin, je sais pas, moi, par exemple, le ramadan, les fêtes de l'Aïd, etc., est-ce que vous les partagez ensemble ou bien pas forcément? Oui, on le partage ensemble et c'est une bonne occasion pour se rassembler autour d'une seule table. Ok, d'accord. Oui, ben super. Et du coup, on en a un peu parlé, mais est-ce que vous voyez construire une famille avec quelqu'un d'une condition différente? Et pour vous, qu'est-ce qui peut faire que ça fonctionne, le fait de vivre avec deux personnes de convictions différentes? Comment on fait dans ces cas-là? Bah, moi, personnellement, il y a un moment, je pense qu'il faut que je sois lucide aussi. Je suis bouddhiste en France. En France, des bouddhistes, il n'y en a clairement pas à tous les coins de rue. En plus, je fais partie d'un courant qui est minoritaire en France. Donc, clairement, si un jour je veux me marier, avoir un partenaire, il va sûrement bien falloir que j'accepte que ce soit une personne qui partage pas la même foi que moi. Mais du coup, a priori, tu préférerais quand même que la personne soit bouddhiste? En fait, des fois, je me dis que tu peux tomber sur une personne qui a pas la même conviction que toi, mais qui te soutient encore plus dans ta conviction et qui la respecte encore plus qu'une personne qui a la même conviction que toi et qui totalement. Peut-être même te comprend encore plus. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas, mais on dit toujours que c'est plus simple quand t'es dans un couple avec la personne qui a la même conviction que toi, qui fait toutes les fêtes comme toi, les mêmes pratiques que toi. Mais en réalité, je pense que c'est vraiment une question de personne, c'est vraiment une question de cas par cas. Totalement d'accord. Et du coup, toi, Ahmed, qu'est-ce que tu en penses? Comment on peut faire fonctionner un couple interconvictionnel? Je pense que ce n'est pas impossible le couple a un esprit ouvert. Oui, c'est ça, c'est l'ouverture d'esprit. Peut-être aussi tout ce qui est le dialogue, la communication, l'intérêt aussi à l'autre, ce que tu soulignais, Audrey, le fait de soutenir l'autre dans sa conviction. Je pense que c'est assez important, il faut une ouverture d'esprit, comme tu dis. Mm. Et du coup, dernière petite question, c'est sur l'éducation. Est-ce que vous pensez qu'un enfant doit être éduqué aux faits religieux? Est-ce que ça doit être par ses parents ou est-ce que il doit y avoir un autre institut comme l'école qui éduque aux faits religieux? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut attendre plus tard que l'enfant, enfin qu'on soit adolescent pour éduquer à la religion? Vaste sujet. Oui, c'est clair. moi, je pense que c'est bien déjà que les parents donnent les bases de l'éducation aux faits religieux, enfin que l'enfant sache qu'effectivement, il y a plusieurs religions qui existent dans le monde, qu'il n'y a effectivement pas qu'une façon de pratiquer et de croire, en fait, tout en gardant sa propre identité religieuse. Hein. Il n'est pas question de mettre ses propres croyances de côté, mais c'est super important aussi de savoir que, bah, effectivement, dans le monde, il n'y a pas que toi et il n'y a pas que tes convictions qui existent. Parce que dans l'avenir, tu vas forcément être amené à croiser des gens qui sont de religions différentes de la tienne ou de convictions différentes de la tienne. Et si tu... Enfin, je sais pas, mais si tu sais pas interagir avec ces personnes, à quoi bon vivre, en fait? si ta foi, c'est juste quelque chose qui te fait rester chez toi et être reclus sur toi-même et ne pas t'ouvrir aux autres, vraiment, j'ai du mal à voir à quoi bon avoir la foi, en fait. Ok. Je coupe un peu parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Ahmed, du coup, en quelques mots, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'éducation aux faits religieux? Comment elle devrait se faire dans l'idéal? Je pense que c'est un arme à double tranche parce que il est nécessaire de donner les bases de la religion aux enfants. Mais on doit apprendre les enfants à respecter et à savoir qu'ils ne vivent pas tout seuls dans ce monde. Ouais. Il faut à la fois inculquer les bases et en même temps, ce qui est le plus important sans doute, savoir prendre du recul et s'ouvrir aux autres en même temps. Eh bien, merci beaucoup Ahmed et Audrey pour ce co-exprime sur le thème de la famille et de la religion dans la famille. Si ça vous a plu, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Coexister Nancy sur Facebook et Instagram. Et en attendant, je vous dis à une prochaine pour un autre co-exprime. Merci. Merci.